cru voir l'ange souffler un murmure d'outre-tombe. J'ai cru voir l'ange guider le vieil homme hors du monde. Et j'attendrai dernier voile de brume, que son visage est blême, blême comme l'éclat d'une pierre de lune. J'ai cru voir l'ange souffler un murmure d'outre-tombe. Je reste seul comme un miroir brisé. Je n'appartiens plus à ce monde. Et j'attendrai l'éternelle prière. Même une pluie d'hiver jamais n'a ce goût amer. Même le monde, les villes peuvent bien.